Bonsoir, bonsoir, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. Il revient dans nos murs Fish. I want to make the song. best way is with an old cliché. Simply the best way is with an old cliché. Always the best way is with an old cliché. Leave it to the best way. It's an old cliché. I love you. my head, but then still no one speaks to me. My mind takes me back to the years that have passed me by. So I go back to the years that have passed me by. Un petit hommage à Demis Roussos qui nous a quittés la semaine dernière quand il était donc dans les Aphrodite's Child. Un extrait de End of the World de 68, suivi de It's 5 O'Clock de 69. Je dis pas de bêtises, c'est ça. Une histoire assez rigolote de ces Aphrodites, puisqu'ils venaient donc de la Grèce. Ils fuyaient à l'époque la dictature des colonels. Ils avaient sauté dans un avion direction Londres pour enregistrer leur disque et débuter une carrière que l'on connaît. Ils se sont trouvés coincés à Paris pendant les événements de mai, ils sont plus bougés et ils ont fait la carrière qu'on connaît avec donc notamment une audience auprès de la France. Je voulais également souligner donc la venue de la Mifish. Vous savez que le concert avait été reporté pour des problèmes de santé. Bah, coucou le revoilà, coucou le revoilou. Il est parmi nous le jeudi qui vient, le jeudi 5 février. Et oui, incroyable mais vrai. Il sera au Ninkasi à 19h. Foncez, foncez à ne pas rater. Fish en concert au Ninkasi ce jeudi à 19h. On termine, puisqu'après on aura le plaisir et l'avantage d'avoir des invités, on termine avec un long hommage à Edgar Froese. Il a été un petit peu boudé par les médias, sauf peut-être Le Monde et puis les médias musicaux. Edgar Froese, le fondateur de Tangerine Dream, la musique planante née à Berlin dans les années 70, bien avant un certain Jean-Michel Jarre. Donc, une musique qui a été considérée pendant longtemps comme la suite du progressif, de notre cher progressif. Et une musique souvent qu'on peut considérer comme quelque chose un petit peu artificiel, fabriqué en studio, eh bien non. Je vais vous montrer que c'est vraiment pas le cas avec un extrait, long extrait de Ricochet, ça date de 75. C'est un concert public enregistré par donc Tangerine Dream à Coventry dans la cathédrale qui avait été donc bombardée, détruite par les nazis. Tout un hommage, tout un programme, un joli coup de chapeau. Voilà tout de suite un large extrait de Ricochet. Thank you. Ah, ce soir, je suis content. Je suis content parce que j'ai un vieux pote qui est là, d'un ami de lycée avec lequel j'ai partagé mes premières émotions musicales. À l'époque, on était au lycée du Parc en 72-73, si j'ai bonne mémoire, en Hippocagne. On découvrait ensemble notamment Pink Floyd, notamment King Crimson. Michel Beria, batteur de ce groupe lyonnais Mardi Soir, est avec nous. Bonsoir Michel. Bonsoir Thierry. Et il n'est pas venu tout seul, il est venu avec Marcel. Marcel, j'ai oublié son nom de famille et je ne sais même plus qu'est-ce qu'il fait. Je crois qu'il joue de la guitare. Alors il va se présenter, comme ça au moins je ne dirai pas de bêtises. Bonsoir. Bonsoir Thierry. Moi je suis donc Marcel Sartori. Il y avait deux Marcel, ouais. Je dis il y avait parce que notre groupe a perdu le premier Marcel. Donc, mauvais événement, ça c'est clair. Moi, je suis donc guitariste. Nous étions quatre guitaristes. Nous ne sommes plus que deux. La vie est très dure des jours. Mais donc, on pense très fort à eux. Marcel Niederlander et Jean-Michel Fiorini, qui nous a quittés, lui, particulièrement il y a un an et deux, trois mois. Donc plus que deux guitaristes dont je fais partie. Moi je suis tout jeune retraité maintenant, donc je vais pouvoir me consacrer encore un peu plus à la musique, ce qui est carrément génial. Et ben voilà, on a commencé Mardi Soir, hein, En 96. Alors ben voilà, ben on va commencer. Donc Mardi Soir, déjà, pourquoi ce nom un petit peu rigolo? Pourquoi pas mercredi matin ou dimanche après-midi? Ça a dû être né d'une grande inspiration, je pense. C'est tout simple, c'est uniquement parce que c'est le mardi soir qu'on répète. D'accord. Justement, parce que Marcel donc, s'est aménagé donc, sous son terrain une cave qui fait office, enfin plus qu'une cave, qui fait office de studio, un truc de 50 mètres carrés où on a la chance de pouvoir répéter. Donc tous les mardis soirs, voilà, d'où le nom du groupe. C'est pas Tuesday Afternoon des Moody Blues. Non. Donc mardi soir existe depuis combien de temps, m'avez dit? Ou quelle année? Depuis 96. Ah oui, déjà 96. Bien que moi je connaisse Michel depuis bien plus loin encore. C'était en 72, un truc comme ça. En fait, si on s'est connus sur les bancs de lycée du Parc, avec Marcel, on s'est connus sous le préau du lycée Saint-Exupéry, à la Croix-Rousse, en 1971. On avait 17 ans, 16-17 ans. Ouais. C'était en pleine période aussi pop, puisqu'à l'époque, on écoutait aussi bien du Hendrix que du King Crimson, que Pink Floyd déjà. Et Marcel venait souvent avec sa guitare. Ouais. Et ben, on l'appelait Toto. Popman. Et l'idée a germé de former un groupe de lycéens. Donc voilà, on a formé Euphonia. Euphonia, comment ça s'écrit ça? Euphonia, E-U-P-H-O-N-I-A. En fait, c'était notre chanteur de l'époque, Bernard Faure, qui était un fan de Berlioz. Et Euphonia était une cité un peu imaginaire dans l'univers de Berlioz. Voilà. Donc on avait joué. Un petit peu dans la dynamique de Saint-Exupéry, de 71 à 74. On n'était pas très très bon à l'époque, on était jeunes, mais bon, on avait plein de pêches et plein d'idées, et on était très influencés par Pink Floyd. Il y a eu un 45 tours, un EP, comme on disait à l'époque, donc 45 titres. Tours, 4 titres, qui est un véritable collector, qui était tiré à combien d'exemplaires? Une centaine? Oui, 100. Tourons. Ouais, 100 tourons. Et qui étaient vendus à la sortie des concerts Je me demande si on les a vendus en fait. Je m'en souviens plus, mais je crois qu'on les a donnés. Je crois bien qu'on les a donnés. C'est à regarder sur internet s'il n'était pas coté. C'est peut-être possible, hein? Non. Et enregistré dans quel studio, vous rappelez encore On avait enregistré ça chez moi. Enfin, j'étais chez mes parents à l'époque. Maintenant, c'est chez moi, mais. On avait fait ça dans la cave. On l'avait mixé par une boîte qui était rue Royale qui s'appelle JPL. Ouais, ça on l'avait fait. Voilà. Ah oui, JBL ou quelque chose comme ça. Oui, ouais, oui, ça me dit quelque chose. C'était voilà. Oui, oui, qui avait fait pas mal de disques. Ouais, ça me parle. Avec une tête de lion, je crois, si j'ai bonne mémoire. C'est possible. Et la fabrication alors? Par une usine? C'est eux qui l'avaient pressé. C'est eux qui l'avaient pressé aussi. Nous, on s'est occupé de la pochette. Et il y avait quoi en pochette? Je me souviens plus du tout. Une photo. On avait pris une photo qu'on avait collée sur un. On avait tout bidouillé ça à la main. C'était très particulier ça. Mais Et il y a eu quelques concerts assez mémorables. Hein. Tu me rappelais d'une première partie de Sphéro. En fait, non, on avait le Progrès en fin 74, non 73, avait lancé un concours des jeunes orchestres. On avait envoyé une bande, on avait été présélectionné puisqu'on avait joué au théâtre du 8e. Donc il y avait 10 groupes qui avaient été présélectionnés. Mmh. On avait quand même joué devant 1000 personnes. Et je me rappelle que le groupe qui était après nous, c'était Sphéroé, effectivement. Et nous, on avait terminé deuxième parce que le premier avait droit à un enregistrement gratuit, je crois. Ouais. Enfin, Mais c'était la seule expérience de jouer devant 1000 personnes. On avait un quart d'heure ou 20 minutes par groupe et on avait joué deux de nos compositions. Et je pense que notre place de second était quand même bien liée au grand nombre de fans qu'on avait amenés dans la salle. Ouais, c'était un peu à l'applaudimètre. Et alors, l'époque, vous aviez croisé d'autres groupes. Tu m'as cité un groupe lyonnais qui était proche de Renaissance, c'est ça? Oui, Sardanapale. Ouais, Sardanapale. Ils n'avaient pas participé. Non. Oui, mais alors, ils ont fait un album, ces gens-là? Oui, c'était un groupe qui était de la Croix-Rousse aussi, je crois. Vous avez vu à la Croix-Rousse, en tout cas. À vérifier, ouais. À vérifier. C'était un groupe avec une chanteuse qui faisait un peu style Renaissance. Ah, et ils ont fait quelque chose. Ils ont fait un CD, oui. Ils ont fait un CD, carrément. Ouais, ouais. Donc, c'est assez récent, alors. Non, vous peut-être retirer un CD, je ne sais pas. C'est notre clavier, bassiste clavier, qui les connaissait bien. Ah ouais, bah ça peut être intéressant. J'aurais ça, pu l'amener, ouais, je l'ai pas. Pour nos chers auditeurs, tu l'as chez toi. Ouais, je l'ai. Ah oui, bon, bah là, effectivement, ça. J'aurais pu l'amener, ouais. Bah la prochaine fois. Ils n'existent plus, je suppose qu'ils ont dû. Ils sont tous à la retraite. Ouais, il y en a un qui. Ouais. Le guitariste, il est devenu maire dans un bled dans la banlieue de Lyon, là, je sais plus. Et alors, comment vous êtes passé de Fonia à mardi soir? Il y a eu un grand moment, parce qu'il y a eu le service militaire dans tout ça, j'imagine. Bah, c'est lui qui nous a séparés, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, service militaire, et ensuite, moi, j'ai commencé à refaire un peu de musique avec d'autres copains, plutôt dans l'optique de faire du bal. Eh oui. Faut bien et manger. Puis, j'ai intégré la maison de mes parents à la place de mes parents. Et là, on a entrepris de faire une salle dans le jardin, sous la pelouse. Mm-hmm. Et là, pendant 3 ans, j'ai pas touché la guitare. Ça a été bricolage à fond. Ouais, d'accord. Et après, voilà, ça, de fil en aiguille, on s'est remis à faire un peu de musique. J'ai rencontré Didier qui est cité sur les compositions, là. Didier Passal. Et Quinquin, c'est notre ami Marcel Niederlander qui n'est plus là. On a commencé à faire un petit peu de reprises, un peu folk. On a essayé de faire aussi un peu dans le médiéval, c'était assez particulier. Jusqu'à ce qu'on décide de fêter les 25 ans de Fonia. Donc en 96, ouais. Ouais. Et là, Michel, que j'avais jamais vraiment perdu de vue, en fait. Hein, on ne s'est jamais vraiment perdu de vue, mais là, tu as décidé d'acheter une batterie pour... C'est là où j'ai racheté une batterie, ouais, parce que j'avais revendu ma batterie. Voilà, et puis donc, c'est là qu'est venu, que c'est formalisé mardi soir, en fait. Ouais. Ouais. Et qu'on a commencé à répéter tous les mardis en vue de composer pour un CD. Ouais. On a quand même pas mal assuré sur des reprises. On voulait absolument se remettre dans le bain avec des reprises d'Eagles. Des Beatles aussi, de John Lennon. Ouais. Voilà, des choses assez, assez basiques, mais qui demandent quand même beaucoup de travail si on y regarde bien. Parce que les vocaux, c'est pas évident. Grande difficulté, c'est jouer et chanter en même temps. Ça, c'est toujours un boulot de dingue. Et c'est pour ça qu'on est quand même essentiellement cantonné au studio avec des recordings. Et c'est vraiment ce qui nous est le plus aisé parce que jusqu'à présent, il nous manquait énormément de temps. Donc voilà, nos compos, c'est un peu du travail studio à la Beatles avec moins de talent, c'est certain. Mais quand ils ont arrêté de faire de la scène, eux, ils ont fait des choses très compliquées qu'ils n'ont pas pu réaliser tout de suite sur scène. Il a fallu attendre quand même quelques années pour que McCartney nous refasse du très très beau Beatles. Eh bien, nous, il faudrait attendre pas mal de temps pour qu'on puisse rejouer nos compos correctement sur scène. Ou alors, il faudrait simplifier tout ça, je ne sais pas. Eh bien, justement, simplifier simplement, On va écouter un extrait donc de l'album de 99. C'est le premier, c'est ça? J'ai pas de bêtises. Non, on va peut-être passer par Sous Influence, non? Non, j'avais prévu d'avancer de façon chronologique. Tu restes en chronologie. Chronologique. Donc mardi soir. C'est le dernier numéro, donc ça doit être le numéro qui s'appelle. Voilà, il est prêt dans la boîte, il est prêt à sortir. Donc simplement. Voilà, donc c'est une composition de notre de Robert qui est notre bassiste et clavier. Voilà, qui, et il me manque le titre de l'album, c'est Au fil des nuits. Au fil des nuits. Au fil des nuits. Voilà, tout de suite, mardi soir. Thank you. Ah, j'aime beaucoup les petits bruitages à la fin, là. Enregistré dans le jardin. Non, ça a été... Ceux-ci ont dû être enregistrés vers Ambronay, je crois, non ? Oui, je crois qu'on avait, enregistré un lavoir. Ouais. C'est ça, ouais. L'eau qui coulait d'un lavoir. Tu sais, les lavoirs à l'antique, là... Avec la mère Denis. Voilà, là où les femmes allaient laver le linge. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu certaines prises de son d'insectes, de grillons qui ont été faits avec un super matériel. Et c'est excellent. On les a placés de temps en temps dans certains morceaux. Ouais. Donc 99, c'est le premier CD, ça. Tiré à combien d'exemplaires ? Une centaine aussi ? Moi, je pense que c'était... C'est difficile à comptabiliser parce qu'on ne l'a pas fait d'une. Moi, j'estimerais à 150, 180, les maximum. C'est vraiment à la demande, il y a des amis qui passent par là, tiens t'en veux un, allez hop là. Ouais, on les a essentiellement distribués dans un c'est cercle, complètement artisanal hein, tout ça. Ouais, mais le son est bien, hein, ça, c'est artisanal au niveau de la fabrication. Celui-là t'enregistre en analogique, hein, sur 8 pistes. Ouais, ouais. C'était déjà 8 pistes, c'est la question que j'allais poser. Ouais, un Fostex 8 pistes, c'est la misère. Par rapport à l'informatique, c'est vraiment hard. Mais encore qu'il y a des partisans du retour à l'enregistrement sur bande. Hein. Oui, mais bon, c'est quand même, c'était vraiment de la bande étroite, hein, le Fostex 8 pistes. Donc on ne pouvait pas trop s'amuser avec. C'était quelque part, on va dire, 6 pistes assurées et les extérieurs, en fonction de la coupe des bandes, c'était quand même pas génial. C'était pas toujours très bon. Des fois, ça flottait, donc... La différence, on la voit surtout sur la section rythmique, hein, basse-batterie... Je veux dire, en analogique, c'était quand même des fois un petit peu plat. Avec le matériel qu'on avait. Ouais. Toujours avec les mêmes musiciens. Hein, donc. Je voudrais quand même rajouter. À la base, on était 6. Mais je voudrais dire plus 2. Parce que du début, mes filles ont chanté dans certains morceaux. Sur certains morceaux. Et elles ont commencé. Elles avaient 8 et 10 ans. Ah oui, d'accord. Et dans le dernier album, elles en ont 27 et 29. D'accord. On sent une petite influence de Vangelis, ça me permet de faire un petit... de raccrocher avec les Aphrodite Child, puisqu'on a entendu tout à l'heure avec l'hommage à Demis Roussos. Hein, je pense que c'est une influence qui est acceptée. Oui, tout à fait. Et il y a pas mal d'autres influences dans votre musique. C'est pas, faut le dire, tout de go. Il n'y a pas que du progressif dans ce que vous faites. Non. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve encore comme grands musiciens qui vous ont inspiré ? À l'origine, c'est Pink Floyd. Ouais. Enfin non, l'origine, c'est les Beatles. Hein, quand même. Enfin, les Beatles, enfin sur l'apport mélodique. Pink Floyd, Genesis. King Crimson, Vangelis un peu pour le côté instrumental. Après, on a eu d'autres influences parce que je crois que dans les années 70, on écoutait aussi bien King Crimson que Jimi Hendrix ou Led Zeppelin. Oui, bien sûr. Donc c'était quand même ce côté très très éclectique. Ouais, il y a pas de chat. On a autant beaucoup aimé les Creedence, Chicago, les Doors, Santana. Ouais. Voilà, sur le foisonnement rythmique. J'écoutais beaucoup d'acoustique aussi, du folk. Les Cat Stevens, enfin... Donovan, Mellow Yellow. Ouais. Ça m'a vachement influencé. Crosby, Stills, Nash. Oui, énormément. Mais alors, vous m'avez raconté des souvenirs de concerts, là. Je sens que les collègues à l'autre bout du poste vont tomber par terre d'inanition. Vous m'avez cité un concert de Genesis avec Peter Gabriel, King Crimson en 73, tournée Lark's Tongue in Aspic, Floyd en 72, présentant Dark Side of the Moon. Allez, des détails, là, on n'en peut plus, là. Alors, on commence par quoi ? Allez, As you like it. Allez, 72, Pink Floyd, c'est vrai que on a connu Pink Floyd en 70 à peu près. C'est quand ils ont commencé, quand ils ont sorti Umaguma ou Mort. C'est vrai que là, ça a été une révélation pour nous. On les a vus, on a eu la chance de les voir en 72. Ils étaient déjà passés à Lyon, je me rappelle, au Théâtre du 8e en 70. Et à Lyon, c'était le grand concert au Palais des Sports qui était bourré pour l'occasion. Ouais. Et ils étaient venus, ils avaient commencé avec 2 heures de retard parce que leur matériel était resté bloqué en Suisse, je me rappelle. Mmh. On devait être à peu près 17 000. Le son était dégueulasse normalement, de parler au Palais des Sports, mais là c'était tellement rempli que c'était à peu près acceptable. Et ils avaient joué donc en première partie tout Dark Side of the Moon, qui n'était pas encore sorti en disque. Ouais. Et je me rappelle, en rappel, il y avait eu Echoes, Careful of Attacks Eugene, et puis je ne sais plus quoi. Enfin, c'était... Ouais, oh là, je me rappelle là, comme là, si c'était hier. Oh là là. Ouais. Et Crimson, après je te laisserai pour... King Crimson, Genesis. Alors Crimson, ouais. C'était en 73, c'est la seule fois où ils sont passés à Lyon. C'était au Palais d'Hiver, c'était la tournée après Lark's Tongue in Aspic. Donc il y avait... c'était la grande époque avec John Wetton, David Cross, ouais. Bill Bruford et Bill Robert Fripp. Et Robert Fripp, bien ils sûr. Avaient joué donc tout... Jamie Muir était encore là, le percussionniste Non, il avait déjà quitté le groupe. Ouais. Jamie Muir, ouais. Sinon, ouais, Genesis, extraordinaire. Moi, les dates, franchement, je ne m'en souviens pas. C'est la tournée de celle du Palais d'Hiver. England. Ouais, mais non, mais il y a eu celle du Palais d'Hiver, le concert du Palais d'Hiver. Exceptionnel. Il correspond au live qu'ils ont sorti, où on les voit sur scène en fond bleu avec Pete Gabb, avec son masque rouge fluo. Là. Qui s'appelle Live, tout simplement. Ouais. Et c'est là où c'est envolé dans les airs, dans Epping Forest, tu m'avais dit. Moi, je n'ai pas vu ce concert. Tu crois ce détail? Bah, bravo. Il avait tous les masques, là. C'était l'époque des masques. Oui, oui. Très, très théâtral, comme d'habitude. Hein. Pas de photos, pas de son de ces concerts, rien du tout? Non. Ah. Non. Et moi, je les ai vus à Saint-Étienne l'année suivante, en 75, ben, juste avant que Peter Gabriel annonce son départ. C'était la tournée de The Lamb Lies Down. Ah, ouais. Fabuleux, j'imagine aussi. Ben, moi, j'ai vu ce même concert, mais à Ludwigshafen, pendant mon armée. un énorme... ballon d'oxygène. Oui, j'imagine. Que de bons souvenirs. Exceptionnel, sublime. Ouais. Après, Pete Gabb, plein de fois. Genesis sans Pete Gabb aussi. Et Steve Hackett aussi. T'es un grand fan de Steve Hackett. Ah ouais, moi j'adore Steve Hackett. Qu'est-ce que t'as pensé de son Genesis Revisited C'est un vrai plaisir. Je l'ai écouté en boucle pendant 15 jours, 3 semaines. Si, ça a tombé par terre. Hein. Ouais. Magnifique. C'est magnifique. Ouais. Puis même reprendre du Crimson, on reprendrait un morceau classique, je veux dire, c'est d'une fidélité, c'est magnifique. Ouais. Puis j'adore, moi, ce type-là. J'adore, franchement. Ouais. Alors, vous êtes venu avec le nouvel album qui s'appelle Sous Influence avec un S. On reviendra, pas à Sous évidemment, mais à Influence. On reviendra sur la signification. Donc, le morceau numéro 4, Michel, tu nous le présentes? C'est la crise, en fait. C'est une, je veux dire, on a composé tous les deux, parce que moi j'ai fait les paroles et Marcel a fait la musique. Where is the Dust, c'est le sous-titre. J'ai influencé ce titre. Parce que je suis allé je revenais d'Angleterre et chez des amis anglais où il y a plein de bibelots, plein de choses diverses. Je lui disais à l'ami, je lui fais, mais where is the dust? Et en amenant cette phrase, bon, c'est pas parti sur la poussière au sens propre du terme, mais Michel est parti là-dessus et il nous a fait des paroles. Voilà. C'est devenu un gimmick, quoi, quelque part. En fait, c'est vraiment un titre sous influence. Je veux dire, les auditeurs reconnaîtront ce qu'ils voudront, mais il y a des influences Floyd, un peu Doors aussi. Hein, enfin, un peu... Voilà, c'est un morceau qui est assez significatif de ce qu'on aime faire. Il faudra bien penser tout à l'heure, avant de se quitter, de donner un point de contact ou trouver le disque. Il faudra bien y penser. Hein. Parce que les gens, ils vont aller chez Grand Magasin et ils vont dire non. D'accord. Pas de souci. Voilà. C'est parti. Thank you. dust. Funambule, noctambule, les puissants rassurants, les médias inquiétants. Where is the dust? Where is the dust? Je passe toute la nuit à flouter ce qui me lasse. L'ange Gabriel m'aide à fuir dans l'espace. Leurs claviers bombardiers nous bousculent, ridicules dans leur jeu dangereux. Nous mousbires et ses pires d'un système qui blasphème la prudence, l'indulgence. Where is the dust? Where is the gens indigents, les plus vieux miséreux, caisse d'épargne, plein de hargne, leurs bas de laine, ils font peine. Mais les riches dans leur niche qui s'évadent aux Barbades, ils s'en foutent de nos doux. Thank you. Effectivement, sans les influences, hein, donc on ne revient pas sur ce pluriel de sous-influence. Hein, vous nous avez cité, les grands musiciens qui vous ont donc marqué. Et maintenant, what about today? Et je crois que Michel t'écoute encore la scène progressive, ce qui s'y passe. Tout à l'heure, tu m'as cité quelques groupes qui te faisaient encore flasher. Bah, c'est un petit peu grâce à toi d'ailleurs, parce que de temps en temps, si je veux les compliments. Tenir au courant, je passe te voir, je repars avec 2-3 CD. Donc je disais, ouais, Stevie Hackett, évidemment. Bon, on a tous aimé le dernier Floyd, hein, qu'on a écouté en boucle dans notre voiture. Et les plus jeunes, Pendragon, Marillion. Pendragon, que j'ai connu il y a bien 15 ans. Ouais. Marillion aussi, moins quand même depuis qu'ils ont un petit peu changé. Ils sont plus rock qu'avant, moins progressif. Et puis quelques... ce que tu m'as fait écouter, j'avais découvert aussi Night Area, un groupe hollandais. Ouais, ouais. Et puis Iceberg, là, que tu avais passé sur notre émission. Ah oui, oui, c'est devenu des amis, d'ailleurs. Il y a 2 mois, j'ai bien aimé. Ouais, ouais, voilà. Ouais, c'est sympa, hein, ça. Voilà. Ouais, après, ouais. C'est vrai que groupe allemand. Ouais, c'est quand même une, c'est assez restreint, hein, je veux dire, vraiment pour écouter du progressif, il faut aller un peu à la pêche, quoi. Hein. Ouais, mais par contre, la production, elle est énorme. Hein. Ouais. La production est énorme. Hein. Je dis souvent, les Scandinaves, je crois. Ça amuse les mes amis, mais je passe une dizaine de nouveautés par mois. Quand même. C'est quand même fou, quoi. Mmh. Et les mauvaises langues disent qu'il y a autant de groupes de prog qu'il y a d'amateurs. Donc ah ouais. c'est assez délirant. Et puis avec le net, ça s'est bien répandu, ça s'est bien fédéré. On a dans tous les pays, je dirais occidentaux, industrialisés, on a une scène prog, hein. On a des groupes qui bougent un peu de partout, hein. Bon, la Suède notamment, hein, avec les Flower Kings entre autres, hein. Mais il n'y a pas que, hein. Et puis, il y a les groupes qui reviennent un peu. J'ai appris il n'y a pas longtemps, j'ai vu sur YouTube que UK s'était reformé, avait tourné au Japon il y a 2 ans. Exact. Mmh. Et puis, ils ont joué sur cette croisière prog qui a eu lieu l'année dernière, en 2014, dans les Caraïbes, okay. Où j'ai un copain qui m'a raconté un truc fabuleux sur une semaine, la crème du progressif. Tout ce que vous pouvez imaginer était sur le paquebot, quoi. D'accord. Croisière Costa, mais Costa Proga. Costa Concordia. Concordia. Donc oui, effectivement. Mais what else? Je crois que les Japonais sont très friands. Hein. Oui. Il y a une scène prog à la fois production et aussi il y a beaucoup de groupes qui va jouer là-bas. Alors c'est un petit public, mais ils sont très très très très très amateurs, quoi. Ouais. Alors le futur pour mardi soir, c'est quoi? C'est mercredi matin, elle est facile, mais quels sont les projets? Ça pourrait maintenant, en fait, on devient vieux, hein, et répéter le soir, c'est pas terrible. Mm. Donc on va essayer de changer de jour sans changer de nom. Mais ouais, ça va, il faut qu'on cogite là-dessus. Il y a déjà un album de prévu, c'est peut-être un peu jeune, il vient de sortir celui-là. Comme on l'a marqué sur un des titres, Break Time, mais bon, qui n'est pas forcément du prog, on a dit la retraite, c'est notre avenir. Ah ouais, bah donc, oui. Ouais, on attend d'avoir beaucoup plus de temps, effectivement. Ouais. Non, mais c'est évident, moi je viens de toucher au Graal, j'espère que ça va durer longtemps. Il y a des compos déjà de prêtes C'est pas complètement abouti, mais il y a des thèmes, il y a des choses très très intéressantes. Didier Passal a composé beaucoup de choses magnifiques. À la guitare, ouais. C'est pas de la prog, mais on peut utiliser ces thèmes, ouais. Il y a moyen, il y a de la matière. Il y a deux choses qui m'ont frappé dans l'album. Bon, il y a une superbe reprise de King Crimson, n'est-ce pas, Michel? Oui. Hein, donc, moi, que j'ai beaucoup apprécié, avec une adaptation au niveau des paroles. Et justement, les paroles sont assez critiques sociales. Hein, comment dire, je dirais pas engagées, parce que c'est un terme qui est un peu galvaudé, mais effectivement... Un petit peu, ouais. Ouais, c'est clair. Disons qu'on on est sur des thèmes qui nous préoccupent, nous, à un certain âge. Oui, c'est la peur de vieillir, mais ça peut être aussi une certaine idée du social, quand même. Oui, mais j'ai trouvé ça très intéressant, effectivement. Ouais. C'est vrai que c'est pas la tasse de thé de Robert, notre bassiste clavier, mais il faut qu'on le bouge un peu. Le Crimson, c'était un peu un pari. C'est vrai qu'on a refait des paroles en français qui sont basées un peu sur l'actualité de 2007 et de son président, sans le citer. Et voilà, donc on s'était un peu... Puis c'est quand même un morceau qui nous avait beaucoup influencé, beaucoup marqué, le premier Crimson, avec Epitaph, enfin tout ce côté symphonique, ouais, et complètement avant-gardiste. Quoi. Ouais, premier album... de progressif et premier concept album, si on oublie Sgt. Pepper. Ouais. Comment votre musique est perçue par les plus jeunes? Par les filles, par exemple? Elles sont complètement fans, sont complètement dedans, ou elles trouvent ça un petit peu décalé? Comment c'est... Non, mais bon, alors, moi, par rapport à mes filles, par exemple, je trouve que... bon, c'est pas la musique qu'elles écoutent, quand même, mais elles en ont tellement écouté qu'elles aiment bien, c'est évident. Elles peuvent pas non plus être fans de ce genre de musique, mais bon, en plus elles participent, alors, plus Carole en plus que Cécile, mais elles prennent un vrai plaisir. Maintenant, dans l'entourage extérieur, il y a des bons échos, mais j'en reviens à ça, les jeunes n'écoutent plus la musique comme nous on l'écoutait. Donc c'est... Précise ta pensée, c'est intéressant. On en a parlé en off, mais je pense que si tu as envie de le dire, ça peut être intéressant. Il y a pas mal d'auditeurs qui, à mon avis, devraient acquiescer. Ouais. Mais c'est vrai que Sous Influence, c'est quand même 14 morceaux. Ils durent 70 minutes. Il y a des morceaux qui font parfois 6, 7 minutes, voire plus. Il faut vraiment prendre le temps de les écouter. Enfin, je veux dire, c'est pas de la musique de supermarché non plus. Je veux pas être prétentieux, mais il faut prendre le temps de l'écouter. Et c'est vrai que, comme disait Marcel, c'est pas forcément ce que font les jeunes, musique consommation. Dans l'instantané. Avec des standards plus courts. Hein. Là, ouais, bon. Là, le morceau qu'on va entendre, la sylphide, c'est un instrumental. Il fait tout de suite 7 minutes et encore, on l'a écourté. Hein. Ouais. Et voilà, c'est très particulier l'écoute d'aujourd'hui. Il y a pratiquement plus de chaînes IFI qui se vendent. On écoute ça sur son portable. C'est très spécial. Moi, je regrette un petit peu, mais bon, c'est la vie. Hein, c'est comme ça. Je continue d'écouter sur ma chaîne. Tout va bien. C'est une approche de mélomane qui est un peu perdue, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Qu'on trouve encore chez les amoureux de la musique classique. Ouais, bien sûr. Les amoureux du jazz. Ouais. Hein. Tout le monde écoute beaucoup de musique dans la voiture. Hein. C'est une belle caisse de résonance. Ouais, oui, moi je pense aussi. Hein, c'est pas forcément négatif dans la voiture. Ouais, complètement. Ouais, ouais. Mais je pense que le MP3 fait du mal quelque part, hein, ouais. Aussi bien sur la vente que sur la qualité, bien la sûr, qualité bien sonore. Sûr. Hein. C'est vrai qu'il y a des moyens extraordinaires qui sont mis à dispo dans les studios pour en final écouter ça un peu par-dessus l'épaule et dans des conditions un peu particulières, pour pas dire un peu décevantes. Alors si tu nous proposes le numéro 7, c'est ça, Sylphide ? Voilà, c'est un instrumental qui a été composé par Didier, donc notre deuxième guitariste. Et bizarrement, il joue pas dans le morceau. Oui, il joue pas dans le morceau. C'est un morceau qui a complètement évolué. Au début, c'était une bossa nova et c'est devenu quelque chose qui est très instrumental et enfin, on verra les influences, hein. Il y a du Floyd, il y a du... Voilà, et qui dure sur à peu près 7 minutes quand même. Tout de suite sur Prog à part, l'émission du rock progressive, bien sûr. Thank you. Ah bah c'est bien beau tout ça, dit-il. Et alors j'ai cru comprendre qu'un clip vidéo est venu illustrer une chanson d'un morceau, je ne sais pas quel album, le dernier là ou... L'avant-dernier. L'avant-dernier. Le deuxième. Ouais, le deuxième. Encore un truc qui est un peu proche de Sous Influence, puisqu'il s'appelait Itinéraire d'un ex-fan des 60s. Donc, c'est pas un morceau prog, mais c'est voilà, des paroles du voyage un peu initiatique, pas initiatique, mais de quelqu'un qui retourne voir les lieux du Père Lachaise, pour la tombe de Jim Morrison à la West Coast, en passant par Abbey Road, San Francisco, Jerry Garcia, tout ça. Ouais, les Grateful Dead, voilà. Donc, qu'on avait illustré avec des pochettes et puis quelque chose où on a un peu déliré, on s'est bien fait plaisir. Ouais. Et grâce aussi à. Voilà, on va faire un petit clin d'œil à Patrick Pujolas, qui est un ami de toujours et qui a fait le montage et qui est très doué pour ça. Voilà. C'est un truc sympa. Vous allez encore en concert ? Et qu'est-ce que vous allez voir en concert ? Le dernier concert qu'on a eu tous les deux, c'était Crosby, Stills & Nash à Fourvière. Ouais, j'ai des amis qui sont allés, il paraît que c'était fabuleux. Bien sûr. Ouais. Sinon, moi, je vais essentiellement voir de la country en ce moment. Ouais. Il y a des très très bons musiciens aussi là-dedans. Mm-hmm. Mais j'écoute un peu de tout, en fait. Moi, je suis parti dans plein de... Pour que ce soit bien fait... Mais à moi, un des derniers concerts de pro que j'ai vu, c'était Ange, avec en première partie un groupe qui s'appelle Silver Lining, je ne sais plus. Ouais, allez, Michel. Ouais, c'était en 2007. Ouais. Voilà. Mais Michel, tiens, puisque tu me pièges gentiment, toi qui es batteur, ouais. T'es héros dans la batterie, tes grands inspirateurs. Alors moi, je veux dire, celui qui m'a le plus inspiré, c'est pas le meilleur, c'est Nick Mason de Pink Floyd. Ah ouais, avec son côté, les roulements un petit peu démultipliés, le travail qu'il fait sur les tomes, même si c'est pas forcément le meilleur technicien. Autrement, bah, je dirais Phil Collins, Bill Bruford, je sais pas. Et puis dans un batteur que j'adore, qui est vraiment carré, mais c'est pas du prog, c'est Bonham de Led Zepp. Ah oui. Voilà. Ah oui. Le fils ou le père? Ouais. Enfin, Keith Moon, il nous. Ouais, Keith Moon aussi. Ouais, voilà. Délirer quand même. On pourrait en sortir. Ah oui. Mais dans le prog, ouais. Bon, non, mais en général, hein, batteur de rock, hein, en général. Ouais. J'aimais bien Terry Bozzio aussi. Ah qui oui, il a joué avec Zappa et avec UK. Ah oui, fantastique, ouais, voilà, super. Il y en a plein. Hein. Ou Chester Thompson qui est vraiment. Ouais, Genesis. Voilà, qui peut jouer n'importe quoi pratiquement. Ben, la même question pour Marcel. Comment ? Mais la même question pour Marcel, t'es musicien idole. Ah ben, moi, comme je suis guitariste, ouais. Santana. Gallagher. Bon, Rory Gallagher, l'Irlandais. Gilmour. Exceptionnel. Ouais. Ouais, Steve Hackett. Après, il y en a qui sont extraordinaires dans d'autres styles. Hein, Paco de Lucia, Aldi Meola. Énorme. Mais il y en a tellement. Il y en a tellement. De plus en plus. T'as pas cité Robert Fripp, c'est volontaire, c'est un oubli Non, c'est un oubli, et il est extraordinaire. Avec ses sons à rallonge, avec ses fuzz pas possibles. Énorme. J'ai toujours adoré, oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, vos disques, avant qu'on passe encore un autre morceau, où est-ce qu'on peut les trouver ? Alors, dans quelle boucherie ? Quel est le moyen le plus simple de les trouver ? Allez, je vais donner mon adresse mail. Voilà. Hein ? Où il y a aussi celle... Oui, parce qu'il n'est pas commercialisé. Mais Michel aussi peut être contacté. Alors, mon adresse mail, c'est Marcel, tout en minuscule, hein, marcel.sartori, S-A-R-T-O-R-I. Tout simplement. @ 9 en chiffres online.fr. D'accord, tu le répètes un coup là, allez. Donc marcel.sartori, S-A-R-T-O-R-I, @ 9 en chiffres online.fr. Et les gens, ils envoient quelques petits sous quand même pour le port, la fabrication et tout. À combien tu le vends, votre CD ? Eh ben, pour l'instant, on le donne. Ouais, non mais bon. On l'a même pas cellophané. Bah, si vraiment quelqu'un en veut un, eh ben, je sais pas, moi, ça va être... On a même pas parlé de la somme d'un CD comme ça. Mais ça peut être, je sais pas, 10 euros, pas plus. Ouais, c'est moi, j'irais 10 euros, port compris, et puis voilà, tout le monde est content. Voilà. Ce qui nous intéresse surtout, c'est d'avoir des critiques dans le sens large du terme, positives et négatives. Alors, les critiques, comme je vous ai très humblement proposé, il y a quoi de neuf, qui vient de sortir d'ailleurs, avec Abel Gance en couverture, hein, magazine de mon compère Renaud Walid, et il y a également Progressiste, les Belges, une fois, je sais bien que faut résister, mais c'est dur. Superbe magazine aussi professionnel et en même temps humoristique, ils ne se prennent pas la tête. Donc il y a ces deux canards qui viennent de tout juste sortir leur nouveau numéro. D'ailleurs, toi qui les as sous les yeux, pouvez me dire ce qu'il y a en couverture? Allez, travaillez un peu là, les gars. Alors, Progressiste, qu'est-ce qu'il y a au sommaire? La couverture ressemble étrangement à celle du dernier Floyd. D'accord. Qui est magnifique. Et puis, grosso modo, qu'est-ce qu'il y a en deuxième page? Derrière, non, en deuxième page. Non, bah, qu'est-ce qu'ils nous mettent au sommaire? Il n'y a pas marqué? Sommaire. Non, il y a une critique de Pink Floyd, une rétrospective classique rock Jeff Buckley, Deep Purple aussi qui est revisité sur le Made in Japan, ça a l'air d'être assez complet. Ouais. Et puis derrière, il y a des pubs pour Transatlantique, Kaipa, Nightingale, voilà des, ouais, des choses. Et puis Marcel, il va faire la même chose avec Quoi de Neuf. Dans Quoi de Neuf, qu'est-ce qu'il y a dans ce nouveau numéro? Alors Quoi de Neuf, il y a David Myers, je sais pas, Pink Floyd, The Enid. Ah, ça va faire plaisir à Michel. Ouais, que j'ai connu en Angleterre en 76. Prog en Beauce. Ouais, c'est un festival, prog. Opeth. Opeth, oui, c'est du metal prog qui est pas mal du tout. Pain of Salvation. Salvation. C'est un groupe de metal qui est très très proche de Pink Floyd. Voilà. Et UPF Unitopia. Oui, d'accord. Voilà. Et ben voilà, il y a plein de choses. Les prix, allez, le numéro et le prix. 7 euros celui-ci. Ouais. Quoi de et neuf. 8 euros progressiste. Voilà, voilà. Puis on termine avec, on en parlait tout à l'heure avec Michel, il y a Plouc Magazine qui vient de sortir. Donc Plouc Magazine, c'est le fanzine des malades, des amoureux, des passionnés de Ange. Voilà. Voilà, et donc nouveau numéro. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans le. Il y a un petit mot doux de Christian Descamps. Ça fait toujours bien plaisir. Et qu'est-ce qu'il y a au sommaire? Alors, le sommaire. Oh. Eh ben, vas-y, hein, chose, on ne peut pas le lire. Les jouissances verbales de M. Roca. Voilà, des choses. Il y a quelques dessins, là. Ouais. Y a des, ouais, pas Charlie Hebdo, mais ouais, avec ouais, une, ouais, je ça, suis c'est, Charlie, c'est, je pense en. C'est du compère. C'est de mon ami Eric, ça. Pardon? C'est de mon ami Eric, qui est le chanteur de Messaline également, et qui dessine dans le Progrès. Voilà, et puis il y a des photos aussi d'une tournée du Père Descamps. Voilà, il y a des. Ouais, il y a une caricature de Christian Descamps sur le. Il est en bonne position. Ouais, ouais. Et des photos, ouais. C'est un spectacle, quoi, ça, j'ai l'impression. Ouais, Ange, c'est vraiment. Ouais, c'est un groupe qu'on aime beaucoup aussi. Je crois que c'est quand même. Moi, je les ai connus en 73 grâce à RTL. C'était le premier groupe à passer à la radio, je me rappelle. À l'époque. Jean-Bernard Rebet, qui faisait la promo de, Post-restant. Du deuxième, là, Cimetière des Arlequins. Voilà, je sais qu'on écoutait beaucoup la version de ces gens-là. Et puis, Ange, je les ai vus plusieurs fois sur scène. On les a vus à la salle Rameau. Je ne sais pas si tu étais avec nous. Non, je n'y étais pas. Et je les ai vus, j'ai eu la chance de les voir en 76 au Marquis Club à Londres. Ah, tu étais aussi. D'accord. Voilà, c'était la tournée Émile Jacotet. Je pense que mon ami Tim y était aussi, puisqu'il les a vus. Tim Hunter m'a dit les avoir vus à Londres aussi à cette époque-là. Bon, avant de passer le prochain morceau, je vais quand même donner le contact de Michel. Allez, va, comme ça au moins qu'il puisse recevoir aussi les. Voilà. Hein, Michel.beria, sans accent, B-E-R-I-A-T, @gmail.com. gmail.com. Je répète, michel.beria@gmail.com. Le DRDDR, ce sera peut-être le dernier morceau avec un petit bonus. Donc, il y a quelques petits commentaires sur ce morceau. Le DRDDR, c'est. C'est toi qui l'as composé. Ouais, c'est moi qui l'ai composé. Ouais. On va imaginer une immense catastrophe atomique sur notre planète. C'est triste, mais bon. Pourquoi pas? Et il reste une seule personne vivante. Vaille que vaille. tout de suite sur Prog à part, l'émission du rock progressif. Envolé dernier du monde. Pour combien de secondes tétanisé, terrorisé. Le jour où commence notre récit, tout n'est que paix et silence dans le courageux petit village gaulois. Dunker ! Sol, 100.7. C'est superbe tout ça, c'est un petit régal. Guitare très floydienne, n'est-ce pas ? C'est Didier qui joue. Ouais. Vous avez encore d'autres petites choses à dire ? Faut en profiter, les micros sont ouverts, il nous reste quelques minutes. Des petits bonjours, des bisous, des dédicaces. Moi, je veux bien embrasser ma femme par ce micro, mais elle ne m'entend pas, elle est sur Caluire. Voilà, spéciale dédicace à Kiki et Martine. Voilà. Voilà. Elles se reconnaîtront. Et mes filles, Cécile et Carole, quand même. Et Marina et Anthony. Voilà. On pense bien à eux. Donc là, il y a encore un petit morceau en, je dirais, en post-scriptum. Voices in the sky, les voix dans le ciel. Petit clin d'œil au Moody Blues. Oui, alors c'est un clin d'œil aussi à Quinquin, puisque donc Quinquin, c'est Marcel Niederlander, notre guitariste acoustique qui nous a quitté en 2007. Voilà. C'est son cœur qui l'a lâché, mais bon, il en avait du cœur. Et c'était un passionné de Moody Blues, puisque bah, entre deux morceaux dans les répètes, il nous sortait ça, Voices in the Sky. Il jouait aussi Nighting White Satin à la guitare. Il jouait de la 12 cordes aussi. Et donc on a retrouvé, c'est lui qui joue de la guitare en arpège. Et à titre posthume, bah, on a rajouté quelques mélodies, Marcel en particulier. Et Carole a chanté. Voilà. On a rebaptisé Voices in the Sky, les voix dans le ciel. Quoi. Très émouvant, je suppose voilà, que si ça n'a pas été facile pour enregistrer. Voilà. Je comprends. Tout de suite, donc, pour ceux qui ont pris le train en route, n'est-ce pas Michel ? Non, pas Michel Berrien, mais Michel l'autre, mon fidèle auditeur. Tout de suite, ce soir, c'est un lundi soir, mais nous avons mardi soir. Ah, la petite influence de Genesis, bienvenue, n'est-ce pas ? Un pur régal. Bon, ben, on va écouter un dernier petit morceau, puisqu'on a quelques petites minutes de rab. Moi, je vous rappelle, donc, l'info importante, c'est que Fish revient dans nos murs, donc le jeudi qui vient, au Ninkasi KO à 19h, donc à ne pas manquer. Voilà, en ce qui me concerne, eh bien, vous me retrouverez en compagnie des deux compères d'Enea de lundi 2 mars pour une nouvelle édition de Prog à part. Décidément, les interviews se suivent à cadence interrompue et c'est pour le plus grand plaisir. Voilà, on termine avec nos deux amis, deux compères de mardi soir qui vont nous proposer donc Ode à Louise. Ils ont peut-être quelques mots pour présenter ce morceau. Ben c'est un morceau de Didier Passal, très bel ensemble d'arpèges sur trois guitares au moins, et c'est pas vraiment de la prog, hein, mais on aime. Voilà, merci à vous d'être venus. Ben, merci Thierry, c'était un plaisir. Ouais. Merci Michel, merci Marcel, vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Continuez votre travail d'orfèvre. Ouais. Donc il y en a un à Caluire et l'autre, c'est plus dans le sud de Lyon, c'est ça, Michel ? Vernaison, oui. Mais bon, Vernaison, on va peut-être à Caluire, effectivement. Ouais, ben, Michel qui a appelé tout à l'heure, l'autre Michel habite pas très loin, donc vous êtes voisins, ou presque. Ou presque. Donc continuez à nous enchanter avec vos albums bien sympathiques. Donc on a les numéros de téléphone, enfin les adresses mail, ouais. Le montant pour les commander. Je mettrai ça sur internet, hein, donc sur la page de Prog à part. Vous l'aurez, cette émission, comme d'habitude, en haute qualité HQ, comme on dit, as soon as possible, donc disponible sur le site d'Acid Dragon, acidragon.eu. Et que vous dire encore, si simplement que j'ai réédité Storia di un minuto, ce petit guide sur le rock progressif italien des années 70, donc mis à jour et réédité, il est disponible à nouveau et Dieu sait s'il part bien. Et enfin, petite nouveauté aussi pour les amateurs, et eh bien Acid Dragon maintenant est sous format digital, donc on peut le lire sur l'ordi. Voilà, donc on se met au goût du jour. Voilà, merci, à très très bientôt. Bye bye, ciao. Bonne soirée.